Ça vous fait rire? Vous n'avez pas honte? Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans « Et vous trouvez ça drôle, vraiment ?» Ce podcast consacré à la comédie française. Moi, c'est Tom et je suis avec Flo. Salut Flo. Salut Tom. Ça va? Bah ouais, ça va, après avoir vu ce film, ça allait pas trop, bah ça va toujours pas trop du coup, mais bon, voilà, c'est maintenant je l'ai vu, je sais que c'est derrière moi, donc ça va mieux. Jusqu'au prochain? Oui, jusqu'au prochain, mais on va essayer d'alterner, de pas tout le temps faire des trucs comme ça, parce que sinon je pense qu'on, enfin, et que ce soit toi ou moi, c'est ça, ou même les auditeurs, ça tiendra pas la route, vraiment. C'est... Pas impossible. Non, voilà, on s'était dit, tiens, ça manquait un peu de comédie française dans le monde du podcast dernièrement. Donc, tiens, pourquoi on n'irait pas se remettre un petit peu là-dessus? Ça manque faire de mal, podcast cinéma, de toute façon. Oh oui, ça manque de podcast cinéma. Il n'y en a pas assez. Non, il n'y en a pas assez. On s'est dit, tiens, rajoutons-en un. Ce sera toujours bon. Mais oui, les comédies. Et voilà. Et donc pourquoi ne pas se faire un petit peu mal une fois de temps en temps avec des comédies françaises, voilà, bien écrites, bien réalisées, avec des bons acteurs. Enfin voilà quoi. Et puis quoi de mieux pour commencer que Un village presque parfait. Aïe aïe aïe. Oui. Qui le dis-tu? Oui. Film dont je n'avais absolument jamais entendu parler. Alors, j'avoue que j'avais entendu un peu parler de ce film, mais juste vite fait. J'avais vu l'affiche, d'ailleurs, qui ressemble assez étrangement à l'affiche de Neuilly sa mère, un autre film de Jamel Bensalah. Oui. Encore, voilà. Encore coïncidence. Je ne crois pas. Non. Non, non, mais on voit l'esprit créatif, voilà, qui c'est ça, il a qui survit dans le lore de la comédie, c'est intéressant, effectivement. Attends, tu viens vraiment de sortir le mot lore au premier épisode, attention. Oui, ouais, tout à fait. Attention, parce qu'effectivement, on ne parle que de comédie française, donc waouh. On est des gens sérieux, on est là pour faire un travail sérieux. Bien sûr. Et voilà, et parler d'œuvres françaises, monsieur. Qui nous ont marqués. Absolument. En bien comme en mal. Surtout en mal. En pas bien. Oui, comment pas bien. Alors, comment on en est arrivé là, à ce film? Ouais. Et déjà, comment ce film en est arrivé là, à être projeté sur les écrans français? Je pense que c'est déjà ça, la question à laquelle il va falloir répondre. Parce qu'il n'est pas tout jeune, hein, 2015. Il date de 2015, mais en fait, c'est un remake. Donc c'est déjà pas un film original. Non. Ce serait trop demander une comédie française originale, les gars. Moi, j'étais sur le cul à la fin du film, peut-être dans le générique et tout. Voilà, pop. Tiré de l'œuvre originale, La Grande Séduction, film canadien, tout québécois. À fait. J'étais là. Tout à fait. En plus, c'est pas original. Wow. Non, c'est pas original, puisque le film, en plus de La Grande Séduction, il est sorti 10 ans avant au moins, de ce que j'ai vu. Ouais. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais c'est visiblement Jamel Bensalah qui a voulu absolument l'adapter, et le gars, il a mis quasiment 10 piges à obtenir les droits, mais le gars n'en a pas démordu pour nous pondre ça. Valait, ça. Ça valait le coup de se battre, hein. Franchement. Oui. Mais on a quelques petites références à ce film, hein. Ne serait-ce qu'avec le village jumelé avec Saint-Loin la Moderne, donc Sainte-Marie la Moderne. Et voilà, le réalisateur Stéphane Meunier qui nous a donné un autre grand classique, hein, Les Yeux dans les Bleus. Voilà, donc. Peut-être le maître de tous les documentaires sportifs, hein. Oui, non, mais c'est ça. On va pas se le cacher. Celui qui a initié en tout cas toute cette vague de documentaires sur les équipes professionnelles françaises. A fait aussi Un village presque parfait, voilà. C'est voilà. Et de ce qu'il dit, c'est que pour le film, lui, il a voulu créer une bande, voilà. Donc si on fait le parallèle, et d'ailleurs même lui le fait, il fait le parallèle avec l'équipe de France, sauf que dans une des deux équipes, t'as Elie Semoun et Pierre Ménès, quoi. C'est voilà. Je vous dis pas dans laquelle. À vous de vous faire votre avis. Je crois qu'ils sont pas champions du monde. Et voilà. Bah, tu l'as évoqué, t'as évoqué le casting. On va se pencher un petit peu dessus quand même. Oui, on va passer sur la fiche technique un petit peu. Oh bah oui, quand même. Alors. Bon, on a parlé du réalisateur Stéphane Meunier, qui est principalement connu pour. Mais surtout pour les yeux dans les bleus, effectivement. Et au casting, on a qui d'autre ? Eh ben, on a Didier Bourdon, qui personnage principal. Ouais. On en reparlera après. On a Laurent Deutsch, qui on en reparlera après aussi. On a Lionel Astier, on a Denis Podalydès, on a Elise Moon, on a Armel, on a Pierre Ménès, enfin on a que du beau monde. Est-ce qu'on serait pas sur un casting choral dès le premier épisode ? C'est vraiment. Carmen Mahora aussi. Sur le papier, il y a du beau monde. Et moi, j'étais là, je dis, attends, il y a lui. Il y a elle aussi. Wow. Et le reste, on est sur des villageois de Olon où ils ont tourné dans les Hautes-Pyrénées. Voilà. On est quand même sur un budget de 7 millions d'euros. Oui. Donc, c'est ce qui est assez. Ouais, c'est assez conséquent, on va dire, pour une comédie française. Ouais, c'est confortable, d'autant que, en termes de décor, À part deux plans à Paris, le reste se passe dans le village, quoi. Le reste se passe dans le village, et le village est déjà là. Enfin, les comédiens sont déjà là, machin. Enfin, c'est même des villageois, donc voilà. À savoir qu'au box-office, puisque c'est aussi quelque chose qui nous intéresse, comme il est sorti en 2015, 7 millions d'euros, au final, ça donne quoi ? Bah, ça donne 500 000 entrées en France. Ouais, à peine. C'est pas beaucoup, ça, par contre. Et attention, puisque effectivement, c'est une coproduction française et portugaise, donc ça fait aussi, si ça vous intéresse, un petit peu plus de 7000 entrées au Portugal. Ce qui représente je ne sais pas combien, vu que je ne connais pas la population portugaise. Donc je ne sais pas. Peut-être que tu pourras m'en dire un petit peu plus, toi qui es un maître en géographie. Ça reste pas grand-chose, on va pas se le cacher. Ça reste à peu près équivalent à 500 000 entrées en France. Peut-être même moins. Hein. Ah, mais en même temps, qui a envie au Portugal d'entendre les aventures d'un petit village français qui cherche un médecin ? Qui ? Voilà. Enfin, c'est la question. Qui a envie d'entendre les pérégrinations de Laurent Deutsch qui joue un docteur parisien puant d'orgueil et méprisant au possible. Ouais, voilà. Et coquet à mort. C'est simple, c'était quelqu'un de la télévision, il s'appelait Cyril Hanouna. Oui. En gros. Voilà. Mais je sens que, de toute façon, il va falloir qu'on réponde à la question de est-ce que nous, on trouve ça drôle, vraiment ? C'est effectivement la question... Ben oui. Titre du podcast, et c'est effectivement la réponse que l'on apportera en toute objectivité à la fin de cet épisode. Et en toute bonne foi, je tiens à le préciser. Et évidemment. Sinon, on le répète, on est des gens sérieux. On est des professionnels. On fait un travail sérieux, on est des professionnels. Et ce que l'on va reproduire ce soir, ne doit absolument pas être reproduit par des amateurs. Ah non, ce sont des professionnels qui parlent. Ouais. Faites bien attention. Eh bien, je te propose de passer au film. Oui. Allons-y, avec un superbe paysage. D'abord, les paysages. Pas grand chose à dire, c'est plutôt pas mal. Bah écoute, on est engoncé dans une vallée des Pyrénées. Oui. J'ai pas regardé où était situé le village, mais c'est dans les Hautes-Pyrénées. C'est dans le 65, ouais. Ouais. Oui, donc les petites maisons ont pas le charme du Pays Basque, mais bon voilà, ça reste vallonné, ça reste très vert, voilà, c'est sympa peut-être pour des villégiatures, mais oui. comme on le verra dans le film, pour y habiter à l'année, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. On ne sait pas, parce que potentiellement, il y a une question où qui veut rester dans le village et tout le monde lève la main. Mais au tout début du film, on a Monsieur le maire, donc Didier Bourdon, qui nous explique un petit peu en voix off le pourquoi du comment. On a le droit à un joli flashback qui ne sert à rien. C'est sa narration plus l'espèce de film en 8 mm, là. Mais c'est genre juste pour donner un gage d'authenticité truc, quoi. En fait, c'est... Qui fait ça encore aujourd'hui ? Non, et puis on retiendra surtout que si le village a été connu pendant un moment, c'est juste parce qu'il faisait du saumon, oui, mais au bois fumé, mais un bois fumé spécial, visiblement, puisque c'est un bois qui ne pousse que là-bas. C'est-à-dire que c'est une sorte d'arbre qui pousse vraiment que autour de ouais, dans de cette petite vallée là, ouais, de Saint-Loin-la-Moderne, effectivement. Voilà. Ah, le pire nom pour une commune aussi. Et directement après, alors, c'est la honte. Ouais, c'est ça, c'est la honte. On te présente, voilà, il y avait une usine dans le village, elle a fermé. Donc aujourd'hui, c'est la misère. Ouais. Donc quand c'est la misère, les gens sont au RSA. Donc ils vont en file indienne à la poste tous les 5 du mois pour récupérer leur pognon. On n'a pas trouvé d'autres moyens de te montrer le misérabilisme social rural à cette époque-là. Si, quoi. Alors il y a ce misérabilisme social qui est d'autant plus mis en avant puisque ça les empêche pas le fait de juste avoir le RSA d'aller au bistrot, mais genre tout le temps, ils y sont H24. Oui. T'as vraiment deux lieux, c'est soit le lac où ils pêchent, soit le bistrot. Il y a ou l'église, mais il y a pas d'autres lieux dans ce. Alors dans l'église, ce c'est uniquement pour le conseil de village, hein, oui, pas déconner. Mais, hein. C'est ça. Mais c'est complètement dingue. Alors, on va venir sur la première gênance, moi, dans le film, c'est le placement produit pour la bière. Ah oui. Parce que on voit des bouteilles de la bière Equi. Oui. Un plan sur deux. Oui. Grosso modo, un plan sur deux. La consommation doit être assez incroyable là-bas. Hein. Je pense que le commercial, il doit être content de venir livrer au bar de chez Josiane. Hein. Parce que, et puis, de toute façon, quand ils vont à une réunion, hein, tous, bon, en fait, c'est un autre moyen de se dire qu'on va se bourrer la gueule. Quoi. Oui, c'est ça, puisque Monsieur le maire va à une réunion et allez, let's go. Il revient pété comme un coup. Il revient défoncé. Donc, alors, on a plusieurs scènes de défonce au niveau de l'alcool dans le film. Je crois que j'ai jamais vu des personnes jouer aussi mal les mecs bourrés. Les mecs bourrés, oui. Vraiment. Et on a là. Vas-y. Si le tournage s'était bien passé. On aurait pu penser que, et comme ça avait été le cas, je crois que ça a été le cas sur Le Fils à Joe, où ils ont vraiment tourné une scène où ils ont enquillé comme des sagouins, et ils ont tourné après, en fait, ils ont fait tourner après les mecs qui étaient bourrés. Normal. Mais là, tu vois, même ça, ils se sont pas fait plaisir en disant, allez, on va s'envoyer quelques pintes, quelques godets, et puis quand on sera un petit peu chaud, on fait la scène, quoi. Non. Bah, c'est ça. Non, ils préfèrent jouer mal les mecs bourrés. Mais après, enfin, il préfère jouer mal tout court. Mais après, je peux comprendre puisque dans la première scène tu vois juste Didier Bourdon qui essaye de, et je pense que ça t'a fait mal, hein, de taper dans un ballon de rugby pour faire une transformation, un truc comme ça, et tu fais, ouah, là, là, là, là, là. Et il se rend compte que, son village va être déserté. Et c'est là où moi, j'ai eu mon premier point de gênance, où effectivement, on a un point foutage de gueule de la gamine avec ses dents. Oui. Et, la fameuse réplique, regarde ses dents, on dirait Ribéry. C'est qui Ribéry ? Non, t'inquiète pas, ma chérie, c'est une princesse. D'accord. Donc, on est sur ce genre de film. Ça fait 5 minutes que le truc a commencé. Ouais, voilà. Non, c'est ouf. Alors, et moi, j'ai mis, en prenant mes notes, j'étais là, je dis, moment de gênance encore plus global, c'est cette scène de déménagement de nuit, en fait. Les mecs déménagent la nuit comme si c'était la honte. Oui. De se barrer, de vouloir échapper à sa misère. Oh non. Je lui dis. Et j'étais là, je dis, mais c'est quoi le ressort comique là-dedans de dire, tiens, on va les faire déménager la nuit parce qu'ils ont honte de partir. Je pense que le ressort comique, c'est on voit le maire et il y a toute cette discussion qui s'ensuit où l'autre essaye de faire passer ça pour juste, non, mais t'inquiète, on va au camping, c'est ouais, juste qu'on aime bien notre confort. On part en vacances. Ouais, non, mais. Tu vas en camping, t'aimes bien ton confort, mais tu prends ta lampe de salon, connard. C'est un déménagement, ça se voit. Arrête. Voilà. Donc il y a zéro ressort comique. Enfin, c'est, mais bien, non, ah, non, non, il n'en a pas. Pour voilà, un truc où ils sont censés rire, c'est con. Il y a des gens qui ont ri à ça dans la salle. Bien sûr. Mais je. Ouais. En vrai, je connais mes parents, je pense qu'ils auraient rigolé à ça. ouais. Donc ça. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai le même humour, hein, mais voilà, je me suis fait mon propre humour après, mais voilà. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on a aussi un point de bascule, c'est-à-dire que Didier Bourdon reçoit un appel, un coup de fil de Bruxelles, donc de l'Union Européenne, qui lui dit, si tu veux qu'il y ait une usine qui soit dans ton village, il faut que tu aies un médecin pour 5 ans. Et c'est là que tout le truc va démarrer. Ah bah c'est le point culminant du bien sûr du besoin intrinsèque du film, voilà. À quel moment on te dit il te faut un médecin pour 5 ans? C'est hyper précis. Après c'est plus grave hein. S'il est plus là, s'il se barre, on s'en fout. Voilà, c'est on pas peut grave. S'en aller, tu peux aller à 30 bornes si t'as un malade, c'est bon, mais 5 ans tant que t'as au moins. Tant que t'as ton usine, ça va quoi. Non, et puis à partir de ce moment-là, bah effectivement que la mécanique se met en place et tu rentres dans une litanie de clichés, de poncifs, alors là, tous plus hallucinants les uns que les autres. J'ai même hésité à en faire une chronique spéciale des clichés, tu vois. Je l'ai pas fait parce que bon, j'ai dit j'ai déjà trop, vu ce film trop de fois, je vais pas le retravailler. Mais voilà, déjà on commence par le conseil dans l'église du village, puisque on a plus de curé depuis 7 ans. Ouais, ça c'est déjà marrant. On a Pierre Ménès dans le film, je pense que c'est un point qualité. On peut se le dire comme ça, vraiment. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est à part il est pote avec Stéphane Meunier en fait. Je vois pas d'autres. Ouais. Mais quand même un petit moment, un petit éclair où je me suis dit ah putain, ce film peut au final être quand même pas mal. C'est quand Lionel Astier part de l'église et lance un bon gros ta gueule à Pierre Ménès. Ça, je me suis dit ah là il y a un truc vraiment. Mais ensuite tu te rends compte qu'il dit ta gueule à tout le monde en fait dans le film. Ouais, non mais il dit que... et c'est pour le bien de tout le monde je pense hein, parce que si vraiment je ne devais retenir qu'un personnage, ce serait le sien. Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses, mais pour moi c'est le personnage qui pas qui ressort un petit peu, mais qui est le mieux joué, on va dire. Pas fou, il a quand même pas beaucoup de dialogue hein, il a quand même pas beaucoup. Ah oui, bien sûr. Il a quand même pas beaucoup de matière hein, je trouve qu'on en donne le scénar en donne plus à jouer à Alice et Moon finalement qu'à lui quoi. ce qui est dramatique quand même. Ce qui est dramatique sachant que Lionel Astier est censé être le meilleur pote de Didier Bourdon. Voilà, donc tu dis OK. Et c'est à ce moment-là où il leur explique qu'il faut un médecin pendant 5 ans et c'est ce que j'appellerai maintenant le point internet chez les bouseux. Voilà. Ah, l'internet en 2015, c'est un bruit de modem 56K. et alors, pour qu'on te fasse bien comprendre qu'ils n'ont pas le haut débit, le bruit du modem est continu, en fait. Okay. Tu sais, normalement, quand la connexion elle est faite, ça s'arrête. T'as plus le petit bruit. Et non, là, ça continue tout le temps. Là, c'est juste pas possible. Enfin, et tout ça pour trouver l'adresse de tous les médecins de France, littéralement. Vraiment, et puis, t'as quand même un point Q, parce que Internet, donc on cherche des infirmières à poil. Ah, il vient... ah oui, mais il vient après, celui-là. Il vient après. C'est pas juste... Oui, c'est juste après. Je crois qu'il retourne... Putain, tu peux aller voir des infirmières. D'accord. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Au secours. Et pendant ce temps-là, à Paris... Qu'est-ce qui se passe puisqu'ils ont envoyé une invitation à tous les médecins de France? Ben oui. Donc là, on a un joli montage avec tous les médecins de France qui lisent le truc, qui se foutent de la gueule du monde et qui le foutent à la poubelle. Et maintenant, Laurent Dutch. et je l'avais noté. On est juste à un quart d'heure de film à ce moment-là. On n'a même pas fait un quart d'heure de film qu'on a déjà en fait ce chassé-croisé de clichés ville-campagne. Les médecins parisiens tout dans le dédain, les ruraux qui sont jamais allés en ville de leur vie et qui se marrent, ça les fait marrer juste à l'idée de se dire tiens on va aller en ville et ça nous fait rire. Et puis derrière t'arrives le médecin parisien, c'est un bourgeois qui se drogue, qui joue au cricket. On va y revenir parce qu'il y a une petite anecdote par rapport à ça. D'accord. Non mais c'est juste pour dire on a essayé de trouver le sport le plus bourgeois possible et vu de France le cricket paraît être un sport bourgeois alors que dans tous les pays anglo-saxons en fait c'est un sport hyper populaire. Oui, c'est ça. Non mais alors dis-toi que on va y venir du coup à cette anecdote. Mais en fait au départ, ils avaient envisagé plusieurs lieux avant que ce soit les Pyrénées, il y avait les îles de Haute-Normandie, le Jura, les Vosges, etc. Et au final, c'est les Pyrénées qui l'emportent. Et pourquoi? Pour le paysage sûrement. Eh bien non, Stéphane Meunier, il explique que avec Jamel Ben Salah, ce qui les amusait, c'est la perspective de voir des rugbymen, donc des mecs au nez un peu écrasé aux oreilles en chou-fleur, disputer une partie de cricket qui a la réputation d'être, je le cite, attention, ouvrez les guillemets, un sport de filles. Oh wow. C'est la seule raison de pourquoi ça a été tourné dans les Hautes-Pyrénées. C'est tout. C'est juste parce que, en fait, oh, le parallèle avec les rugbymen, c'est rigolo. Pas du tout. Au secours. Non, mais tu vois, ça explique un peu les mécanismes de l'humour qui ne sont au final pas là. Non. Donc voilà, puisque effectivement, Laurent Dutch, comme tu l'as dit, hein, magnifique acteur, non, pas du tout, il se fait contrôler par un flic qui est... Le gars qui s'est barré. Le gars qui a déménagé, hein, comme par hasard, c'est le gars qui a déménagé. Mais genre, il est parti à Paris, genre à 800 kilomètres. Le gars, il dit quand même au maire... Non, mais j'ai trouvé un travail en ville à 800 kilomètres. Genre, il n'y a pas des villes plus près. Et du coup, bah, comme personne ne voulait venir à Saint-Loin, qu'est-ce qu'on fait? Eh bah, on prend ce un médecin. Un peu de chantage. Un peu de chantage avec la cocaïne. Mais comme on se dit, bah, faut qu'on le garde 5 ans, ça va être chaud. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du petit village de Pecnobouzeux, le plus beau village de France. Avec la petite réunion avec le directeur de la poste, le meilleur pote, et c'est vrai qu'il a aucune autre définition que le meilleur pote du maire, et Elie Semoun, on est sur des putains de boomers quand même, avec des répliques telles que « Mais votre fille, elle fait pousser de la marijuana !» Mais littéralement comme ça. Oui, et oui. Puis aussi, il aime le criquet, c'est dégueulasse, j'aime déjà pas les sushis. Putain, arrêtez. Arrêtez vraiment, là. Taisez-vous. Ah ouais. Non, mais c'est... C'est insupportable, et c'est là, c'est qu'on insupportable. Part sur, c'est là qu'on part sur un training montage, un petit peu. Bah oui, le ripollinage du village. Voilà. Donc, comment on trouve un logement? Comment on fait un logement? On montre quand même un beau bouquin de Valérie Dabido, hein, parce que tant qu'à être dans le cliché. Quitte à prendre les spectateurs pour des cons, autant le faire jusqu'au bout. Hein. Bah, allons-y. Oh là là. Et donc, on est aussi sur une rénovation où, bah, effectivement, il y a un tracteur qui est mal en point et ils en font un truc. Mais vraiment, ça te prend un bon quart du montage où ils remettent en état le village. Ah bah attends, c'est de l'art moderne quand même. Hein. Oui, mais c'est un truc qui, plus tard dans le film, ne sera... bien évidemment, plus jamais utilisé. Contrairement à d'autres ressorts comiques, je le mets entre guillemets, comme le J'ai peur allons-y du chien. Doucement. Oui, allons-y doucement avec les ressorts comiques, si tu le veux, si, parce que là, c'est compliqué. Et finalement, bah, donc, ils ripollinent le village, ils essayent d'en faire quelque chose d'à peu près présentable. Et bah, le docteur arrive. On est à une demi-heure de film, il ne s'est toujours absolument rien passé. ils ont quand même vu des photos d'infirmières à poil. Hein. Eh. Quand même. Attends. Mmh. Oh là là. Et puis bah, là, comme c'était pas suffisant quelques minutes avant, on va réenchaîner les clichés quand même. Hein, parce que bien sûr. Au cas où tu n'es pas bien compris la première fois, on va te le remettre. Voilà. Et quand il arrive, bien sûr, on a déjà une blague sur le caca, où il marche avec des chaussures à 1000 balles dans du caca. J'allais y venir, mais alors déjà, c'est la dégaine qu'il a. Putain, les fringues et tout, sa petite veste bleue avec les coudières, le pantalon orange saumon avec les pompes assorties. Non, et évidemment, le point caca, puisqu'il cherche désespérément à capter avec son téléphone portable, donc il ne regarde pas où il met les pieds. Et puis, pendant tout le temps en fait où il va arriver découvrir le village, ce mépris de classe parisien qui va durer tout le film, hein, mais qui là est vraiment mis au chausse-pied quand même. Hein. Ah mais là on est vraiment sur la quintessence du parisien de merde, bien évidemment. Hein. Voilà, on a déjà. Le docteur qui arrive et qui les voit jouer au cricket, qui dit « Ah bah, je peux aller voir hein, !» Avec cette phrase du docteur qui prononce alors qu'il ne le sait pas, hein, c'est quand même plus civilisé que le rugby. Toi, tu vas pas te faire que des potes ici. Hein. Mm-hmm. On a le cliché « La télé ne fonctionne pas depuis le passage à la TNT ». On a le cliché « Internet, c'est disponible, mais que à la poste, et c'est du 56K, et c'est que de 9h à midi. » D'accord. On capte derrière le cimetière. Voilà. Le point on capte pas, il n'y a pas de réseau. Et on a cette fameuse phrase, Saint-Loin la moderne, mais loin d'être moderne. Et ça, je pense que c'est un philosophe qui a dû la dire. Parce que voilà. Ça, tu rajoutes quand il échange avec ses potes au téléphone, enfin son pote au téléphone qui va lui piquer sa gonzesse en bien fait. Bien sûr. Hein. Après, on le saura après. Comment ça va chez ceux qui se reproduisent entre cousins? Bien sûr. Cette magnifique phrase. Voilà. Alors, est-ce qu'ils auraient osé le sortir s'il était allé dans un trou perdu dans le nord de la France? Je suis pas sûr. Je sais aurait-il, pas. Aurait-il tenté le coup, Stéphane Meunier, quitte à ne plus pouvoir revenir à Lens, dans un stade à Lille ou à Lens? Pas évident, quand même. Pas évident. Alors que dans les Pyrénées, bon, c'est bon, il y a personne, ouais, on s'en bat les couilles. Exactement. Et donc, voilà, on a notre docteur qui arrive, et qui, jour 1 limite, fait des remarques désobligeantes sur le physique de quelqu'un. Ouais. de la maîtresse du village, et il s'étonne de se faire recale. Qui est potentiellement la nana la plus jolie du village. Oui, mais il s'étonne de se faire recale. Bah, pourtant, je voulais pas être méchant. Bah, c'était plutôt un compliment. C'est plutôt un compliment venant de moi. T'as plutôt été un odieux connard, et ça nous pose le personnage. Je te rehausse les pommettes, je te fais une petite liposuction, mais voilà, tout va bien. Nickel. Et derrière, bah voilà, c'est forcément il y a la première nuit et là on a le point. Ils ont osé. Ils ont fait une parodie de Nespresso. Oh putain. Quel génie créatif. Mais je n'y croyais pas quand je l'ai vu la première fois. J'ai remis en arrière. Je dis attends, c'est bien la musique. C'est la musique. Et le mec, il emmène une valise. Où il y a que des capsules Nespresso dedans, et il a même pas pensé en fait à prendre sa cafetière, quoi, carrément, en se disant, mais évidemment je vais trouver une cafetière Nespresso là-bas, normal. Et puis c'est pareil, c'est un truc qu'on ne reverra pas, puisque non. Spoiler, à un moment donné on le voit à Paris, mais enfin on en reparlera. Mais voilà, les bouseux, ils ont pas ça, donc on fait ça à l'ancienne. Et en fait, je trouve que là, bah, il y a un truc qui manquait. Là où il aurait pu montrer que le café en cafetière, c'est dégueu, machin, parce que c'est pas la même chose que Nespresso. Eh ben, ils sont pas allés jusqu'au bout de la vanne. Ils auraient pu. Mais en fait, le gars boit son café tranquille et fait, il y a du monde chez moi. Connard, t'es médecin. Ça fait 8 ans qu'ils ont pas vu un médecin. Et là, on enchaîne tous les plus beaux clichés de tous les clichés, là, de chez les campagnards. Quand il reçoit ses patients les uns après les autres. Bah bien sûr, je me suis fait le pansement tout seul. Oui. Et vas-y que vous avez le pied d'athlète. Vous avez un pied d'athlète. Oh merci. Non mais c'est un champignon hyper rare. Non c'est un champignon. Yes. Ok super. Et puis la maman qui en peut plus de ses gosses et qui veut qu'on lui prescrive une pilule qui lui dit ok je vais vous la prescriver. Tu fais quoi mais pourquoi tu lui parles comme ça? Ok, c'est... parle mal. Et toi, tu sais même pas se mettre à son niveau. Ça, c'est juste la rabaisser, quoi. Mais on est dans le cliché continuel du Parisien, quoi. C'est oufissime. Et on est fin du premier jour et on est à déjà la bagatelle de 60 patients, soit la moitié du village, clairement. Alors. Nouvelle réunion, et là, Didier Bourdon, il dit « Non, mais les gars, on va arrêter, parce que le gars, il a l'impression d'être retourné au Moyen-Âge avec vos maladies. » Même Didier Bourdon, on dirait que c'est un connard de Parisien. Et du coup, il dit « On arrête les frais, et c'est moi qui prends les rendez-vous du docteur. » Donc après, il y aura plus qu'une, deux, trois personnes, pas plus. Donc, des petites journées, on va dire. Voilà. On notera quand même que la photo dans la mairie, c'est la photo de Mitterrand. Oui. j'ai vu ça, j'ai fait « Oui, mais même, je pense que dans le village le plus reculé, C'est au moins François Hollande, le gars. Je pense que toutes les mairies de France sont bien recensées. Normalement, elles reçoivent le portrait du président, normalement. Normal. C'est pour ça, au cas où, dans les villages les plus reculés comme ça, ça peut potentiellement être François Hollande. Donc à l'époque, voilà. Nicolas Sarkozy, mais Mitterrand, non, faut arrêter. Entre-temps, il y a eu 2 fois Chirac, machin, arrête, vraiment. Mais on constatera quand même que, alors c'est probablement adapté au niveau de vie des gens qui y habitent, mais que c'est pas cher là-bas, parce que le plat du jour, il est quand même que à 5 euros. Hein, et franchement, c'est moi, je trouve un petit resto à côté de chez moi qui me fait le plat du jour à 5 euros. Je vais y aller souvent. Alors, oui, mais remettons en perspective, nous étions en 2015. Ce n'étaient pas les mêmes prix. Mais c'est vrai que 5 euros, c'est pas beaucoup. C'est pas cher. C'est pas excessif. Tu m'étonnes qu'ils se bourrent la gueule, qu'ils se bourrent facilement la gueule parce que la bière doit être, le prix de la bière doit être en conséquence. C'est ça, la pinte doit être à 50 centimes. Tu fais, ouais, bah, voilà. Vas-y, j'arrive. Mais bon, comme une galère n'arrive pas seule, il fallait un médecin. Maintenant, il faut aussi l'écotaxe de 50 000 euros parce que ces connards de Bruxelles, ils font chier. Eh oui. Voilà. Et donc, comme à chaque fois que ça parle de politique, il y a quelqu'un qui crache par terre, hein, normal. Hein. C'est souvent Pierre Ménès. On est aussi dans les clichés ruraux. Ah, hein, bien donc, sûr. Voilà, donc, les ruraux, on leur parle de politique, ils crachent par terre. On leur parle de l'Union européenne, ils crachent par terre. Non, voilà. Voilà. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? J'ai vraiment envie de voir des films de ces personnes, mais d'autres films, c'est... Non, c'est faux. Effectivement, hein, on est sur des gros bourrins parce que... ils expliquent aussi qu'ils ont d'autres hobbies que le cricket, comme la pêche et la chasse. Avec donc, effectivement, un petit coup, on se fout de la gueule des chasseurs, ça ne fait rire personne. Bien sûr. Hein. Bien sûr, ça fait rire personne. Évidemment, ça les tend même. Puisqu'il faut expliquer les blagues, Didier Bourdon se sent obligé de dire non, mais la chasse, il leur reste que ça, quoi. Donc, oui. Non, mais c'est bon, on avait compris. Ouais, on a compris que vous aviez que le RSA et que vous viviez. Que de ça, voilà. Et puis après, on a quand même, il a insulté une meuf, la maîtresse, une première fois. Il va y retourner. Oui. Parce que pourquoi ça arrête en si bon chemin. Si en plus, je peux insulter sa mère. Voilà. Donc il insulte la mère de la meuf qu'il a déjà critiquée et on a cette fameuse phrase à laquelle je ne crois pas, hein, même avec une suspension d'incrédulité totale. Ah, mais je suis une maîtresse sans élève. Mais merde, même en 2015, on en cherchait partout des profs. Tu mens? Tu mens? T'es juste ta gueule? T'as pas envie de bosser? Non, mais voilà! Voilà! Non, mais il faut arrêter à un moment donné. Si t'es, dans un coin, reculé comme le sien et qu'il manque que deux élèves pour rouvrir la classe, ah, je pense que tu peux quand même essayer de la rouvrir. Mais bon. Ouais, non, tu peux essayer de faire un truc, mais bon. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on va passer. Ce que j'appellerais la deuxième en termes de cliché, c'est-à-dire que bah, le médecin, en plus d'être arrogant, hautain, parisien et d'aimer la cocaïne, bah, il aime la techno. Bah oui. Voilà, bah, écoutez, pourquoi pas avec ce fameux, cette fameuse réplique entre Elie Semoun et Didier Bourdon, où Didier Bourdon lui dit « Mais tu t'y connais en musique ?» Et on a la réponse « Oui, j'écoute Obispo, Mylène Farmer. » Donc déjà, non, tu ne t'y connais pas en musique. Déjà, non. C'est impossible. Et Didier Bourdon qui le regarde avec ses yeux de chien battu comme il sait faire, qui dit « Mylène Farmer, elle a bien fait de la techno. Allez, nique ta race, filme, tu me saoules. Vraiment, arrête. » Vraiment, c'est... Et puis, alors, moi, la techno, c'est, ou la, plutôt l'espèce de hardcore là, qu'ils écoutent, c'est pas vraiment mon style de musique, mais je suis pas sûr que les gens se mettent assis... accroupi sur un pouf à côté d'une chenifi pour écouter ça, en fait. Je suis pas sûr non plus, et c'est là que j'ai remarqué aussi qu'il y avait un problème, c'est qu'au-delà de ça, il lance une chenifi donc avec des CD hein, à l'ancienne, etc. Et on voit que le gars est comme s'il était branché en Bluetooth avec l'iPad, puisqu'il lance ses musiques sur l'iPad. Ça ne marche pas non plus, mais bon, effectivement... Il y a un autre problème où, allez, on est assis et puis on fait comme si on écoutait du jazz, en fait. Littéralement, voilà. C'est t'écoutes du jazz, tu te poses tranquille, t'essayes d'analyser cigare, le truc. Un verre de whisky. Bien sûr. Non, là, c'est juste, t'es assis sur un vieux pouf de merde en forme de dé et, tu bouges la tête comme un connard. Et t'y vas, ouais. Voilà, c'est la tête de chien, là, dans les voitures, là. Enfin, c'est exactement ça qu'il fait. Donc, vous avez... Laurent Deutsch et Elie Semoun, hein, on est quand même sur la fine fleur du cinéma français, messieurs, dames. Qui fait ça? Voilà. Et voilà, c'est là où maintenant on va arriver sur une autre partie de film où peut-être on se dit, ouais, il va se passer un truc. C'est qu'on va faire croire qu'il va y avoir un remplaçant. Aïe, aïe, aïe, aïe. Ah là là. On fait croire qu'il va y avoir un remplaçant puisqu'on parle du remplaçant, mais on ne sait pas qui c'est. On fait croire d'abord que c'est un vieil ermite qui vit dans la forêt. Et tu fais, mais le gars a beau être parisien, il a beau être tout ce qu'il est. Pourquoi tu crois à ça, en fait? On essaie d'instiller le doute un petit peu, voilà, avec un ancien brancardier de la Seconde Guerre mondiale. Et puis bon, comme ça marche pas des masses, on passe la surmultiplier, hein. On va prendre le chauffeur livreur qui vient une fois par semaine au village. Donc bien lui, sûr. Il l'a jamais croisé, hein. C'est a priori, tu vois. Il est là depuis 2-3 semaines, mais il l'a jamais croisé encore, qui venait avec son camion et tout. Bon, ok, on prend. Admettons. Et puis derrière, arrive... Alors, ça, c'est juste pour mettre le doute dans l'esprit. Et puis arrivent ces séquences fabuleuses avec les commissaires européens qui, évidemment, comme chacun le sait, dès qu'ils ont une visite à faire, ils débarquent en hélicoptère. Hein, parce que c'est sûr. Parce que c'est Bruxelles. Écoute. Pourquoi faire simple, hein. Voilà. Leur réunion, évidemment, ils la tiennent pas dans la salle du conseil municipal ou dans le bureau du maire. Non, ils le font au bar, hein. C'est quand même mieux. Jusque là, ça me semble logique. Voilà. On parle de Bruxelles, on est chez les Belges, hein. Je sais pas ce qu'il te faut de plus. et évidemment, comme le recensement n'est pas à jour depuis 20 ans, bah, quoi de mieux qu'un recensement au doigt mouillé en disant, on a à peu près 100 personnes ici et attendez, je vais vous emmener à l'autre bout du village. Et là, il y en a combien? Il y en a facilement une centaine aussi. Allez, vous avez vos 200. Alors que c'est un fameux subterfuge. Oui. Oui, parce que c'est bien connu que il faut des villages d'au moins 200 personnes pour que Bruxelles verse des subventions. Et... Il faut un village de 200 personnes, un prêt de 50 000 euros pour l'écotaxe et il faut un médecin pendant plus de 5 ans. C'est quoi ces conditions toutes plus claquées les unes que les autres? c'est incroyable. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a Laurent Deutsch qui devient herboriste. Oui. Il trouve un bouquin. Il vient communier avec la nature, avec Mère Nature, et il fait des onguents. Il prépare ses petites décoctions et pour les donner à ses patients. Ouais, mais bien sûr, parce que pourquoi pas. Écoute, je suis un médecin de la campagne, moi. Ben oui. Parce que mine de rien, il faut quand même il faut quand même se rapprocher de la nature. Bien sûr. T'es au milieu des forêts, donc oui, vas-y, fais-toi plaisir. Bien sûr. Fais-toi plaisir. Et régulièrement, on a un point un petit peu réunion, j'allais dire du conseil municipal, mais en fait ils sont 3-4 et c'est juste les potes du maire. Oui. Et ils font un point réunion puisque. Ben, ils ont mis le docteur sur écoute, bien évidemment, puisque... C'est logique. C'est logique. Chez vous, enfin, aux États-Unis, il y a la CIA, le FBI. En France, on a Didier Bourdon et Lionel Astier. Voilà. Oui, parce que la motivation première de construire sa table d'écoute, c'est pour écouter les conversations de sa femme, parce qu'il a peur qu'elle se barre à Madrid pour aller bosser. Pour aller bosser chez son frère. Voilà. Chez donc c'est frère, même pas voilà. Une histoire d'amour ou de trucs comme ça. C'est on lui propose du taf. Ouais, ouais. Et ça parle et mal sur le maire. Ça peut être grave. Attention. Et du coup là, c'est à ce moment-là aussi qu'on apprend que il s'est fait un peu larguer par sa meuf parce que la meuf qu'il a laissée à Paris, elle couche depuis un an avec son meilleur ami. Et c'est là qu'on tient une des meilleures vannes du film le médecin s'appelle Maxime. On a il est libre Max. Je pense que tu as dû avoir dans une ou deux salles en France. Qui a dû retentir quand même. Ouais, dans les autres salles, un petit coup de vomi. Mmh. Et on est encore sur on va boire des coups au bar. On n'a pas tout dit, hein, mais vraiment le bar. C'est le lieu central. Centre névralgique. Bah de toute façon, t'as la mairie et à côté, sur la même place. C'est à coller. C'est à coller au bar. Hein, C'est le même bâtiment. C'est le même bâtiment. Et littéralement. mais bon, c'est quand même là qu'on a la carapace qui commence à se fissurer pour le médecin, hein, qui dit putain, mais tout est faux dans ma vie. Oui, comme les seins que tu poses, comme les fesses que tu poses. Enfin, voilà, puisqu'il est chirurgien esthétique. Ouais, ouais. Voilà, on commence vraiment à réfléchir, toujours pas. Finalement, qu'est-ce qu'on se dit? On n'est pas si mal à la campagne, mais ça va faire culpabiliser Didier Bourdon parce que. Oui. il termine son laïus dans le bar, Laurent Deutsch, avec un discours suivi de « je te raconterai jamais de mensonges ». Et là, Didier Bourdon, il culpabilise d'avoir menti tout le temps, en fait. Bah oui, oui. Et pourtant, quelques minutes après, le poteau rose va être découvert. Oui, mais je voulais revenir avant sur le fait que Didier Bourdon va dormir chez son voisin. Et ça ne gêne personne. Si, la femme du voisin qui lui dit pas trop longtemps quand même. Oui, l'autre qui dit il vient pas souvent, et après elle se retourne et elle se rendort. Donc tu fais d'accord. Bon j'en ai pour 5 minutes. Ok, d'accord. Voilà, et au final il se rendort littéralement directement. Donc le poteau rose, vas-y, je te laisse raconter. Le poteau rose, il faut évidemment un Deus ex machina. Bien sûr. Donc, quoi de mieux que la némésis du docteur, le chien, qui entre-temps est quand même devenu son meilleur ami, parce qu'il a, il avait une peur bleue des chiens, et puis il a appris à l'apprivoiser. Évidemment, quand il s'est rendu compte que son petit berger des Pyrénées, il était tout choupi et qu'il allait pas le mordre, forcément, ça s'est beaucoup mieux passé. Et donc, à force de lui lancer une baballe, le chien se barre, il essaie de suivre le chien, ça l'emmène dans un dédale de portes ouvertes, de bâtiments et autres, et il tombe sur le grenier où il y a la table d'écoute avec le cahier où tout est noté. Et là, c'est le drame parce qu'il réalise que là aussi, dans ce village presque parfait, on lui a menti, quoi. Et, oh là là, tu viens de dire le titre. Waouh. Fallait le placer. Eh oui, bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Donc, effectivement, on a Laurent Deutsch qui va à la réunion de village alors qu'il n'y a pas été convié puisque il n'est pas censé en avoir connaissance. Il va dans l'église. Et il part avec un ça sert à rien de me mentir, j'aurais pu vous aimer pour ce que vous êtes. Effectivement, on a vu ça depuis le début, clairement. Ça semblait très bien embarqué dès le départ, effectivement. Tout à fait. Ouais, il n'y avait aucun problème. Il aurait pu rester genre littéralement 27 ans. Et là, il reste vraiment que 10 minutes de film. À peine. Il reste à peine 10 minutes de film. On doit être à 1h24, 1h25, à peine. C'est ça. Et Laurent Deutsch retourne à Paris, et c'est la fin, en fait. Attends, recliché parisien quand même, parce que sur 30 secondes de retour à Paris, je m'emmerde dans une salle de pause, et je suis coincé dans des embouteillages, ça klaxonne de partout, et je m'emmerde. Et je mange, et je fais comme si j'avais un putain d'appart de ouf, mais je mange une pasta box avec une canette de coca dans un verre à vin, mais ça ne gêne tout personne. Tout le monde fait ça. Voilà, tout le monde. Tout le monde fait ça. Enfin, moi, je suis désolé, je suis dans un appart comme ça, un truc. Enfin, même si c'est ma salle de pause, je sais pas, je prends pas une pasta box, vraiment. Non, je me respecte un peu. Normalement, c'est un médecin chirurgien esthétique plutôt bien payé de prime abord. Non, pas une pasta box. Vraiment, à part le placement de produit, je ne vois pas ce que ça fait là. Voilà, je pense que entre ça, la banque postale et la bière Eki, on est pas mal. On est sur une moitié de budget, vraiment. Oui, grave. C'est évident. Mais voilà, donc c'est la fin. Bien non, puisque c'est comme un film de M. Night Shyamalan, il y a un twist. Non, mais c'est alors on va le redire, on est dans une comédie française. Eh oui. Donc sur sociale. Tous les ressorts de la comédie, qu'elle soit française, romantique ou autre, sont respectés. Donc on a une courbe ascendante, une cassure, et ensuite évidemment à un moment ou un autre, il faut que ça remonte. Voilà. Bien sûr, puisque là il y a l'Union européenne qui revient, il y a Bruxelles qui revient. Re-hélicoptère, donc, puisque faut payer l'éco-taxe, donc un truc écologique, mais les gars viennent en hélicoptère deux fois en l'espace de même pas un mois. Ah oui, ça a été à peine un mois. Le dossier est complet, mais il manque le contrat du docteur. Donc, l'usine, c'est mort. Mais le Messie. Le docteur. Oh là là, Laurent Deutsch revient et il dit, c'est bon, je signe. Mais bon, comme c'est une comédie française, bien évidemment, il fait une dernière boulette où il dit évidemment. C'est bon, il y a 120 habitants. Et là, Bruxelles dit pardon, 120 ? Je croyais que vous étiez 200. Ah non, il a dit 120, mais c'est 220. Non. Tu dis mais attends, qu'est-ce qu'il va dire ? 221 avec le docteur. Ah tu fais non. Oh, il l'a fait aussi là. Oh, comme c'est rigolo. Et là, tout est plutôt bien qui finit bien, puisque... Alors, on va noter, mais il y a une usine style Tupperware qui arrive. Il y a le village qui revit comme jamais. Il n'y avait pas d'enfants, mais là, visiblement, il y a l'école qui rouvre. On ne sait pas pourquoi. C'est genre, ah, maintenant, il y a une usine. Donc, bah, il y a des enfants. J'ai pas compris. Et après, on a, bien évidemment, comme c'est en pleine campagne et tout ça, le joli plan hélicoptère ou drone, je ne sais pas quoi, avec toutes les maisons. Toute cette séquence de fin s'accompagne quand même d'une narration moralisatrice où tu as juste envie de dire au secours, quoi. Oh là là, mon Dieu. Qui te rappelle le début du film. Oui, non, mais c'est ça. Puisque c'est Didier Bourdon aussi qui fait la narration, voilà, en disant, ah, c'est un petit village, c'est une petite usine, mais c'est à nous, quoi. Et on est heureux là-dedans. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de ravaler le vomi et j'ai laissé couler. Voilà, parce que... Bon. T'as envie de dire arrêtez de jeter votre bonheur à la face des gens comme ça. Ouais, ça se fait pas. Ça se fait pas. On a tous des moments difficiles dans la vie, vous aussi. Oui. Bon, bah, si vous auriez pu rester dans votre merde, ça nous aurait tous arrangé. On n'aurait pas eu à se fader ce film de merde. Voilà. Bien évidemment, après, on voit qu'il y a au moins 50 maisons dans le village. Hein, quand même. Mais donc, ce qui veut dire que bah, quasiment la moitié du village est abandonnée, je pense. Mais alors. Petit fait intéressant, le village dans lequel ils ont tourné, eh bien, au dernier recensement, ils étaient encore moins que 120 habitants. Ils étaient à 97. Donc, ben, les gars, désolé, c'est pas pour vous l'usine. Et voilà. Voilà, je pense qu'une petite délocalisation s'impose. Eh ben oui, forcément. Désolé pour la belle entreprise bioplastique. Oui, parce que, bon, on fait du bio, mais quand même du plastique, hein, faut pas déconner. Ouais. Parce que c'est Tupperware, mais en version gentille. Ah oui, c'est Tupperware. Bah, ouais, exactement. Bon, et bien maintenant que nous avons un peu raconté ce film, je pense qu'il est temps de répondre à cette question. Hein. Question épineuse, effectivement. Et vous trouvez ça drôle, vraiment, Flo? Eh bien, malheureusement, non. Malheureusement, non. On est sur une accumulation de clichés. On est vraiment sur autant les paysages sont beaux, mais les acteurs le sont moins. Alors, pas beaux, mais bons. Mais... Voilà, il y aurait pu y avoir quelque chose, mais pas avec ces acteurs, pas avec cette mise en scène, pas avec cette histoire forcément. Mais voilà, je pense que en plus de ce que j'ai vu, ça a fonctionné au Canada. Mais encore une fois, c'est pas parce que ça fonctionne au Canada que ça fonctionne chez nous. Donc je pense que Stéphane Meunier, Jamel Bensala auraient pu s'abstenir de faire cette comédie, puisque bah, voilà, on accumule vraiment tous les clichés, que ce soit du Parisien ou du campagnard. Ou du campagnard. Et je trouve ça vraiment dommage. Enfin, pourquoi on arrivait là? Tu peux faire... tu voulais... Sachant qu'au départ, en plus, c'était vraiment, vraiment un truc qui portait sur le social. C'était quelque chose qui se passait vraiment, la désertification des médecins en campagne. Et ça aurait pu être plus intéressant. Mais non, on a décidé d'aller dans les clichés pour dire... Eh, c'est sûrement pour ça que les médecins, ils sont en allés, parce que même le Roumain, ils en parlent à un moment dans le film, même le Roumain, il a pas pu rester. Ah, mais on en a pas parlé de ça. Parce que c'est la campagne. Mais les gars, je ne pense pas que ce soit pour ça. Je pense que c'est le fait qu'il y ait pas de patients, en fait. Tu vas pas t'installer dans un village de 200 âmes, tu n'auras pas du travail tous les jours et tu vas te faire chier, clairement. Donc voilà. Donc moi, non, ça ne m'a pas fait rire, parce que, ben voilà, c'était pas drôle, tout simplement, et non, c'était plein de clichés. Mais c'est ça que je reproche le plus à ce genre de film, c'est que même un bon gag, ils sont pas foutus de te le sortir. Oui. Donc dans l'écriture, il y a un problème. Non, mais bien sûr, c'est dans l'écriture le problème, parce que la comédie, c'est toute une histoire de timing. C'est une histoire de timing, mais le timing, il est raté à chaque fois. Ouais, clairement. Ouais. Ce qu'il pourrait y avoir, il pourrait y avoir des trucs ou machin, mais est-ce que c'est parce que... Alors, il y a le timing et le fait que ce soit mal joué. Parce qu'il y a des blagues où c'est fait par Elise Moon, bon bah voilà, non. Et même, ça a beau être un humoriste, c'est pas parce que c'est un humoriste qu'il sait jouer correctement la comédie. Hein. C'est Elise Moon quand même, les gars. Ouais, non, c'est... Donc, c'est clair. Donc compliqué, ouais. Ouais, compliqué, j'espère que notre prochain choix sera un peu meilleur en termes de plaisir. Ouais, je vais te laisser faire parce que là, c'est pas possible. Non, ou peut-être pas, je sais pas. J'ai vu la bande-annonce de karaoké hier soir. Alors, je te le dis directement, je ne paierai pas une place de cinéma pour aller le voir. Pour aller voir ça. Ah non. Ah, non, non. Moi non plus, je n'ai pas envie. Et ben voilà, Flo, on a fait le tour, je pense. Ouais. On a quand même beaucoup... On a parlé longtemps de ce film qui est finalement pas si top que ça. Hein, donc, c'est beaucoup d'honneur qu'on lui a fait. Hein. Mais je pense que ce film, enfin, après cet épisode, va avoir un regain de popularité, si je puis dire. Un regain d'intérêt, c'est sûr. Je pense que, vu comme on l'a vendu, les gens auront envie d'aller voir l'ampleur du désastre. C'est pas impossible. Forcément, je pense que il y aura des vues en plus. Donc, ben, Stéphane Meunier, quand tu veux, tu nous envoies un message privé, on t'envoie un RIB, un truc comme ça. Et puis voilà. Enfin, autant commencer les choses comme ça. Hein. Moi, je. Oui. Enfin. Moi, ça me va. Voilà. Ça nous financera peut-être plus qu'un Patreon. C'est pas ben voilà, qu'on n'aille pas chercher notre RSA à la poste, s'il voit ce que je veux dire. Parce que c'est marrant d'être pauvre et d'aller chercher le RSA. Parce que moi, j'ai une procuration, je peux venir chercher deux RSA. Ouais, allez. Donc oui, non, ce film n'était pas drôle et on n'a pas vraiment trouvé ça drôle. Mais vraiment. Eh bien, on en reste là pour aujourd'hui. Et bien sûr. Hein, sur cette belle conclusion. Et puis, ben, on se donne rendez-vous le mois prochain. Le mois prochain, tout à fait, pour un autre film qu'on vous dévoilera pas tout de suite. Non, gardons un peu de mystère. Oui. C'est surtout qu'on n'en a aucune idée, en fait. Oui, c'est... voilà. Oh, il dévoile les coulisses de l'émission, lui, déjà. Ah, mais grave, ouais, tout de suite. Rien à foutre. Rien à mort, les mystères. Eh bien, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On ne sait pas quand est-ce que vous nous écoutez et on vous donne rendez-vous le mois prochain. Absolument. Salut, Flo. Eh bien, à dans un mois. Salut, Tom. Je ne suis pas venu ici pour souffrir, OK? Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. C'est de vous la phrase, vous l'avez entendu ça? Et vous trouvez ça drôle?